La Radiodiffusion française et la Société des comédiens français vous prient d'écouter La double inconstance, comédie en trois actes de Marivaux, avec le concours de messieurs Julien Berthaud, Le Prince, Jacques Charon, Trivelin, Robert Hirsch, Arlequin, Gilbert Guiraud, Un Seigneur, mesdames Micheline Boudet, Sylvia, Lise Delamare, Flaminia, Suzanne Nivette, La Récitante, Françoise Angèle, Lisette. Réalisation Jacques Régnier. De superbes jardins dans le palais du prince. Premier acte. Paraissent Sylvia, Trivelin et quelques femmes à la suite de Sylvia. Oh, mais madame, écoutez-moi! Vous m'ennuyez! Ne faut-il pas être raisonnable? Non! Il ne faut pas l'être et je ne le serai point. Cependant, je ne veux point avoir de raison. Et quand vous recommenceriez 50 fois votre cependant, je n'en veux point avoir. Que ferez-vous là? Vous avez soupé hier si légèrement que vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin. Et moi, je hais la santé. Et je suis bien aise d'être malade. Ainsi, vous n'avez qu'à renvoyer tout ce qu'on apporte. Car je ne veux aujourd'hui ni déjeuner, ni dîner, ni souper. Demain, la même chose. Je ne veux qu'être fâchée. Voyez tous, tant que vous êtes, jusqu'à ce que j'ai vu Arlequin, dont on m'a séparée. Voilà mes petites résolutions. Et si vous voulez que je devienne folle, vous n'avez qu'à me prêcher d'être plus raisonnable. Cela sera bientôt fait. Ma foi, je ne m'y jouerai pas. Je vois bien que vous ne tiendriez parole. Si j'osais, cependant... Eh bien, ne voilà-t-il pas encore un cependant? En vérité, je vous demande pardon, celui-là m'est échappé, mais je n'en dirai plus, je me corrigerai. Je vous prierai seulement de considérer... Oh, vous ne vous corrigez pas. Voilà des considérations qui ne me conviennent point non plus. Que c'est votre souverain qui vous aime. Je ne l'en empêche pas. Il est le maître. Mais faut-il que je l'aime, moi? Non, il ne le faut pas parce que je ne le puis pas. Cela va tout seul, un enfant le verrait. Et vous ne le voyez point. Songez que c'est sur vous qu'il fait tomber le choix qu'il doit faire d'une épouse entre ses sujets. Qu'est-ce qu'il lui a dit de me choisir? M'a-t-il demandé mon avis? S'il m'avait dit « me voulez-vous, Sylvia », je lui aurais répondu « non, Seigneur ». Il faut qu'une honnête femme aime son mari et je ne saurais vous aimer. Voilà la pure raison, cela. Mais point du tout. Il m'aime, craint qu'il m'enlève. Sans me demander si je le trouverais bon. Il ne vous enlève que pour vous donner la main. Mais que veut-il que je fasse de cette main si je n'ai pas envie d'avancer la mienne pour la prendre? Force-t-on les gens à recevoir des présents malgré eux? Voyez depuis deux jours que vous êtes ici comment il vous traite. N'êtes-vous pas déjà servi comme si vous étiez sa femme? Voyez les honneurs qu'il vous fait rendre, le nombre de femmes qui sont à votre suite, les amusements qu'on tâche de vous procurer par ses ordres. Oh, qu'est-ce qu'Arlequin au prix d'un prince plein d'égards, qui ne veut pas même se montrer quand vous êtes disposé à le voir, d'un prince jeune, aimable et rempli d'amour? Car vous le trouverez-elle? Et madame, ouvrez les yeux, voyez votre fortune. Et profitez de ses faveurs. Dites-moi, vous et toutes ces femmes qui me parlent, vous a-t-on mis avec moi, vous a-t-on payé pour m'impatienter, pour me tenir des discours qui n'ont pas le sang commun, qui me font pitié? Oh, parbleu, je n'en sais pas davantage, voilà tout l'esprit que j'ai. Sur ce pied-là, vous seriez tout aussi avancé de n'en point avoir du tout. Mais encore daignez, s'il vous plaît, me dire en quoi je me trompe? Oui, je vais vous le dire, en quoi, oui. Et doucement, madame, mon dessein n'est pas de vous fâcher. Vous êtes donc bien maladroit. Je suis votre serviteur. Eh bien, mon serviteur, qui me vantait tant les honneurs que j'ai ici. Qu'ai-je à faire de ces quatre ou cinq fainéantes qui m'espionnent toujours? On m'ôte mon amant et on me rend des femmes à la place. Ne voilà-t-il pas un beau dédommagement? Et on voudrait que je sois heureuse avec cela. Que m'importe toute cette musique, ces concerts et cette danse dont on croit me régaler? Arlequin chantait mieux que tout cela. Et j'aime mieux danser moi-même que de voir danser les autres, entendez-vous? Une bourgeoise contente dans un petit village vaut mieux qu'une princesse qui pleure dans un bel appartement. Si le prince est si tendre, ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas été le chercher, pourquoi m'a-t-il vu? S'il est jeune et aimable, tant mieux pour lui, j'en suis bien aise qu'il garde tout cela pour ses pareils. Et qu'il me laisse, mon pauvre Arlequin, qui n'est pas plus gros monsieur que je suis grosse dame. Pas plus riche que moi. Pas plus glorieux que moi. Pas mieux logé. Qui m'aime sans façon, que j'aime de même. Et que je mourrai de chagrin de ne pas voir. Hélas! Le pauvre enfant. Qu'en aura-t-on fait? Qu'est-il devenu? Il se désespère quelque part, j'en suis sûre, car il a le cœur si bon. Peut-être aussi qu'on le maltraite. Ah, je suis outrée. Tenez, voulez-vous me faire un plaisir? Ôtez-vous de là. Je ne puis vous souffrir. Laissez-moi m'affliger en repos. Le compliment est court, mais il est net. Tranquillisez-vous pourtant, madame. Sortez sans répondre, cela vaudra mieux. Encore une fois, calmez-vous. Vous voulez Arlequin? Il viendra incessamment. On est allé le chercher. Oh, je le verrai. Et vous lui parlerez aussi. Je vais l'attendre. Mais si vous me trompez, je ne veux plus ni voir ni entendre personne. Pendant qu'elle s'éloigne, le prince et Flaminia entrent d'un autre côté et la regardent sortir. Eh bien, As-tu quelque espérance à me donner? Que dit-elle? Ce qu'elle dit, Seigneur, ma foi, ce n'est pas la peine de le répéter. Il n'y a rien encore qui mérite votre curiosité. N'importe, dis toujours. Mais non, Seigneur, ce sont de petites bagatelles dont le récit vous ennuierait. Tendresse pour Arlequin, impatience de le rejoindre, nulle envie de vous connaître, désir violent de ne vous point voir et force haine pour nous. Voilà l'abrégé de ses dispositions. Vous voyez bien que cela n'est point réjouissant. Et franchement, si j'osais dire ma pensée, le meilleur serait de la remettre où on l'a prise. J'ai déjà dit la même chose au prince, mais cela est inutile. Ainsi, continuons. Et ne songeons qu'à détruire l'amour de Sylvia pour Arlequin. Mon sentiment à moi est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette fille-là. Refuser ce qu'elle refuse, cela n'est point naturel. Ce n'est point là une femme, voyez-vous. Mais c'est quelque créature d'une espèce à nous inconnue. Avec une femme, nous irions notre train, celle-ci nous arrête. Cela nous avertit d'un prodige, n'allons pas plus loin. Et c'est ce prodige qui augmente encore l'amour que j'ai pour elle. Eh, Seigneur, ne l'écoutez pas avec son prodige. Cela est bon dans un conte de fées. Je connais mon sexe. Il n'a rien de prodigieux que sa coquetterie. Du côté de l'ambition, Sylvia n'est point en prise. Mais elle a un cœur, et par conséquent, de la vanité. Avec cela, je saurais bien la ranger à son devoir de femme. Est-on allé chercher Arlequin? Oui, je l'attends. Je vous avoue, Flaminia, que nous risquons beaucoup à lui montrer son amant. Sa tendresse pour lui n'en deviendra que plus forte. Oui, mais si elle ne le voit, l'esprit lui tournera, j'en ai sa parole. Seigneur, je vous ai déjà dit qu'Arlequin nous était nécessaire. Oui. Qu'on l'arrête autant qu'on pourra. Vous pouvez lui promettre que je le comblerai de biens et de faveurs s'il veut en épouser une autre que sa maîtresse. Il n'y a qu'à réduire ce drôle-là s'il ne veut pas. Non. La loi qui veut que j'épouse une de mes sujettes me défend d'user de violence contre qui que ce soit. Vous avez raison. Soyez tranquille, j'espère que tout se fera à l'amiable. Sylvia vous connaît déjà sans savoir que vous êtes le prince, n'est-il pas vrai? Je vous ai dit qu'un jour à la chasse, écarté de ma troupe, je la rencontrai près de sa maison. J'avais soif, elle alla me chercher à boire. Je fus enchanté de sa beauté et de sa simplicité, je lui en fis l'aveu. Je l'ai vue 5 ou 6 fois de la même manière, comme simple officier du palais. Mais quoiqu'elle m'ait traité avec beaucoup de douceur, je n'ai pu la faire renoncer à Arlequin qui m'a surpris 2 fois avec elle. Il faut mettre à profit l'ignorance où elle est de votre rang. On l'a déjà prévenu que vous ne la verriez pas si tôt. Je me charge du reste. Pourvu que vous vouliez bien agir comme je le voudrais. J'y consens. Si vous m'acquérez le cœur de Sylvia, il n'est rien que vous ne deviez attendre de ma reconnaissance. Le prince disparaît. Toi, Trivelin, va-t'en dire à ma sœur qu'elle tarde trop à venir. Il n'est pas besoin, la voilà qui entre. Adieu, je vais au-devant d'Arlequin. Je viens recevoir tes ordres. Que me veux-tu? Approche un peu que je te regarde. Tiens, vous êtes à ton aise? Oui, Da, tu es jolie aujourd'hui. Je le sais bien, mais qu'est-ce que ça te fait? Ôte cette mouche galante que tu as là. Je ne saurais. Mon miroir me l'a recommandé. Il le faut, te dis-je. Oh, quel meurtre! Pourquoi persécutes-tu ma mouche? J'ai mes raisons pour cela. Or, Salisette, tu es grande et bien faite. C'est le sentiment de bien des gens. Tu aimes à plaire. C'est mon faible. Saurais-tu, avec une adresse naïve et modeste, inspirer un tendre penchant à quelqu'un en lui témoignant d'en avoir pour lui, et le tout pour une bonne fin? Mais j'en viens à ma mouche. Elle me paraît nécessaire à l'expédition que tu me proposes. Non, elle n'est pas nécessaire. Il s'agit d'un homme simple, d'un villageois sans expérience, qui s'imagine que nous autres, femmes d'ici, sommes obligées d'être aussi modestes que les femmes de son village. Voyons, que lui dirais-tu? Mais je lui dirais... Que lui dirais-tu, toi? Écoute-moi, point d'air coquet d'abord. Par exemple, on voit dans ta petite contenance un dessein de plaire. Tu mets je ne sais quoi d'étourdi et de vif dans ton geste. Tes yeux veulent être fripons, veulent attendrir, veulent frapper, font 1000 singeries. Oh, toutes ces petites impertinences sont très jolies dans une fille du monde. Mais ici, il faut, s'il te plaît, faire main basse sur tous ces agréments-là. Le petit homme en question ne les approuverait point. Il n'a pas le goût si fort, lui. Tiens. C'est tout comme un homme qui n'aurait jamais bu que de belle eau bien claire. Le vin ou l'eau de vie ne lui plairait pas. Mais à la façon dont tu arranges mes agréments, je ne les trouve pas si jolis que tu dis. Bon, c'est que je les examine, moi. Voilà pourquoi ils deviennent ridicules. Mais tu es en sûreté de la part des hommes. Que mettrais-je donc à la place de ces impertinences que j'ai? Rien. Tu laisseras les tes regards comme ils iraient si ta coquetterie leur permettait de rester en repos. Ta tête, comme elle se tiendrait si tu ne songeais pas à lui donner des airs évaporés. Et ta contenance, tout comme elle est, quand personne ne te regarde. Pour essayer, donne-moi quelques échantillons de ton savoir-faire. Regarde-moi d'un air ingénu. Tiens, ce regard-là est-il bon? Il a encore besoin de quelques corrections. Oh, dame, que veux-tu que je te dise? Tu n'es qu'une femme, est-ce que cela anime? Laissons cela, car tu m'emporterais la fleur de mon rôle. C'est pour Arlequin, n'est-ce pas? Pour lui-même. Mais le pauvre garçon, si je ne l'aime pas, je le tromperai. Je suis fille d'honneur, et je m'en fais un scrupule. S'il vient à t'aimer, tu l'épouseras et cela fera ta fortune. As-tu encore des scrupules? Tu n'es non plus que moi que la fille d'un domestique du prince et tu deviendras grande dame. Bon, voilà ma conscience en repos. Et en ce cas-là, si je l'épouse, il n'est pas nécessaire que je l'aime. Adieu. Tu n'as qu'à m'avertir quand il sera temps de commencer. Je me retire aussi, car voilà Arlequin qu'on amène. Eh bien, seigneur Arlequin, comment vous trouvez-vous ici? N'est-il pas vrai que voilà une belle maison? Que diantre! Qu'est-ce que cette maison-là et moi avons à faire ensemble? Qu'est-ce que c'est que vous? Comme voulez-vous, où allons-nous? Je suis un honnête homme, à présent votre domestique. Je ne veux que vous servir et nous n'allons pas plus loin. Honnête homme ou fripon, je n'ai que faire de vous. Je vous donne votre congé et je m'en retourne. Doucement! Parlez donc. Vous êtes bien impertinent d'arrêter votre maître. C'est un plus grand maître que vous qui vous a fait le mien. Qui est donc cet original qui me donne des valets malgré moi? Quand vous le connaîtrez, vous parlerez autrement. Expliquons-nous à présent. Est-ce que nous avons quelque chose à nous dire? Oui, sur Sylvia. Oh. Sylvia. Hélas, je vous demande pardon. Voyez ce que c'est, je ne savais pas que j'avais à vous parler. Vous l'avez perdue depuis 2 jours. Oui. Des voleurs me l'ont dérobée. Ce ne sont pas des voleurs. Enfin, si ce ne sont pas des voleurs, ce sont toujours des fripons. Je sais où elle est. Vous savez où elle est? Oh, mon ami, mon valet, mon maître, mon tout ce qu'il vous plaira. Que je suis fâché de n'être pas riche. Je vous donnerai tous mes revenus pour gage. Dites-le, honnête homme, de quel côté faut-il tourner? Est-ce à droite, à gauche ou tout devant moi? Vous la verrez ici. Oh, Sylvia, cher enfant de mon âme, mamie, je pleure de joie. Écoutez, j'ai bien autre chose à vous dire. Allons d'abord voir Sylvia. Prenez pitié de mon impatience. Mais je vous dis que vous la verrez, mais il faut que je vous entretienne auparavant. Vous souvenez-vous d'un certain cavalier qui a rendu 5 ou 6 visites à Sylvia et que vous avez vu avec elle? Oui, il avait la mine d'un hypocrite. Cet homme-là a trouvé votre maîtresse fort aimable. Parbleu, il n'a rien trouvé de nouveau. Il en a fait au prince un récit qui l'a enchanté. Le babillard. Le prince a voulu la voir et a donné l'ordre qu'on l'amenât ici. Mais il me la rendra comme cela est juste. Il y a une petite difficulté. Il en est devenu amoureux et souhaiterait d'en être aimé à son tour. Son tour ne peut pas venir, c'est moi qu'elle aime. Vous n'allez point au fait, écoutez jusqu'au bout. Mais le voilà le bout. Est-ce que l'on veut me chicaner mon bon droit? Vous savez que le prince doit se choisir une femme dans ses états. Je ne sais point cela, ça m'est inutile. Je vous la prends. Je ne me soucie pas de nouvelles. Sylvia plaît donc au prince, il voudrait lui plaire avant que de l'épouser. L'amour qu'elle a pour vous fait obstacle à celui qu'il tâche de lui donner pour lui. Qu'il fasse donc l'amour ailleurs. Car il n'aurait que la femme. Moi, j'aurais le cœur. Il nous manquerait quelque chose à l'un et à l'autre, et nous serions tous trois mal à notre aise. Vous avez raison, mais ne voyez-vous pas que si vous épousiez Sylvia, le prince resterait malheureux? À la vérité, il serait d'abord un peu triste. Mais il aura fait le devoir d'un brave homme, et cela console. Au lieu que s'il l'épouse, il fera pleurer cette chère enfant, je pleurerai aussi, moi. Il n'y aura que lui qui rira. Et il n'y a pas de plaisir à rire tout seul. Seigneur Arlequin, croyez-moi, faites quelque chose pour votre maître. Il ne peut se résoudre à quitter Sylvia. Je vous dirais même qu'on lui a prédit l'aventure qu'il a lui a fait connaître et qu'elle doit être sa femme. Il faut que cela arrive. Cela est écrit là-haut. Oh, là-haut? On n'écrit pas de telles impertinences. Pour marque de cela, si l'on avait prédit que je dois vous assommer, vous tuer par derrière, trouveriez-vous bon que j'accomplisse la prédiction? Ah non, vraiment, il ne faut jamais faire de mal à personne. Eh bien, c'est ma mort qu'on a prédite. Ainsi, c'est prédit rien qui vaille. Et dans tout ceci, il n'y a que l'astrologue à pendre. Mais morbleu, on ne prétend pas vous faire du mal. Nous avons ici d'aimables filles. Épousez-en une. Vous y trouverez votre avantage. Oui, da. Que je me marie à une autre afin de mettre Sylvia en colère et qu'elle porte son amitié ailleurs. Oh, oh, mon mignon. Combien vous a-t-on donné pour m'attraper? Allez, mon fils, vous n'êtes qu'un butor. Gardez vos filles, nous ne nous accommoderons pas, vous êtes trop cher. Savez-vous bien que le mariage que je vous propose vous acquerra l'amitié du prince? Bon, mon ami ne serait pas seulement mon camarade. Mais les richesses que vous promet cette amitié? On n'a que faire de toutes ces babioles-là, quand on se porte bien, qu'on a bon appétit et de quoi vivre. Ah, vous ignorez le prix de ce que vous refusez. C'est à cause de cela que je n'y perds rien. Maison à la ville, maison à la campagne. Oh! Que cela est beau. Il n'y a qu'une chose qui m'embarrasse. Qui est-ce qui habitera ma maison de ville quand je serai à ma maison de campagne? Parbleu, vos valets. Mes valets? Qu'ai-je besoin de faire fortune pour toutes ces canailles-là? Je ne pourrais donc pas les habiter toutes à la fois? Donc, je pense, vous ne serez pas en 2 endroits en même temps. Eh bien, innocent que vous êtes, si je n'ai pas ce secret-là, il m'est inutile d'avoir 2 maisons. Quand il vous plaira, vous irez de l'une à l'autre. À ce compte, je donnerai donc ma maîtresse pour avoir le plaisir de déménager souvent. Mais rien ne vous touche, vous êtes bien étrange. Cependant, tout le monde est charmé d'avoir de grands appartements, nombre de domestiques. Il ne me faut qu'une chambre. Je n'aime point à nourrir des fainéants. Et je ne trouverai pas de valet plus fidèle, plus affectionné à mon service que moi. Hein? Je conviens que vous ne serez point en danger de mettre ce domestique-là dehors, mais ne seriez-vous pas sensible au plaisir d'avoir un bon équipage, un bon carrosse, sans parler de l'agrément d'être meublé superbement? Vous êtes un grand nigaud, mon ami. de faire entrer Sylvia en comparaison avec des meubles, un carrosse et les chevaux qu'il traîne. Dites-moi, fait-on autre chose dans sa maison que s'asseoir, prendre ses repas et se coucher? Eh bien, avec un bon lit, une bonne table, une douzaine de chaises de paille, ne suis-je pas bien meublé? N'ai-je pas toutes mes commodités? Mais je n'ai point de carrosse. Eh bien, je ne verserai point. Ne voilà-t-il pas un équipage que ma mère m'a donné? Ne sont-ce pas là de bonnes jambes? Et morbleu, il n'y a pas de raison à vous d'avoir une autre voiture que la mienne. Alerte, alerte, paresseux! Laissez vos chevaux à tant d'honnêtes laboureurs qui n'en ont point. Cela nous fera du pain. Vous marcherez et vous n'aurez pas les gouttes. Ah, t'es-tu bleu, vous êtes vif. Si l'on vous en croyait, on ne pourrait fournir les hommes de souliers. Ils porteraient des sabots. Mais je commence à m'ennuyer de tous vos contes. Vous avez promis de me montrer Sylvia. Un honnête homme n'a que sa parole. Mais, maman! Vous ne vous souciez ni d'honneur, ni de richesse, ni de belle maison, ni de magnificence, ni de crédit, ni d'équipage. Il n'y a pas là pour un sou de bonne marchandise. La bonne chère vous tenterait-elle? Une cave remplie de vin exquis vous plairait-elle? Seriez-vous bien aise d'avoir un cuisinier qui vous apprêta délicatement à manger et en abondance? Imaginez-vous ce qu'il y a de meilleur, de plus friand en viande et en poisson? Vous l'aurez, et pour toute votre vie. Vous ne répondez rien? Ce que vous dites là serait plus de mon goût que tout le reste. Car je suis gourmand, je l'avoue. Mais j'ai encore plus d'amour que de gourmandise. Allons, seigneur Arlequin, faites-vous un sort heureux. Il ne s'agit seulement que de quitter une fille pour en prendre une autre. Non, non, je m'en tiens au bœuf et au vin de mon cru. Que vous auriez bu de bon vin, que vous auriez mangé de bons morceaux. J'en suis fâché, mais il n'y a rien à faire. Le cœur de Sylvia est un morceau encore plus friand que tout cela. Voulez-vous me la montrer ou ne le voulez-vous pas? Vous l'entretiendrez, soyez-en sûr, mais il est encore un peu matin. Je vous cherche partout, monsieur Trivelin. Le prince vous demande. Le prince me demande. J'y cours. Mais tenez donc compagnie au seigneur Arlequin pendant mon absence. Oh, ce n'est pas la peine. Quand je suis seul, moi, je me fais compagnie. Non, non, vous pourriez vous ennuyer. Adieu. Je vous rejoindrai bientôt. Je gage que voilà une éveillée qui vient pour ma friandée d'elle. Néant. C'est donc vous, monsieur, qui êtes l'amant de mademoiselle Sylvia? Oui. C'est une très jolie fille. Oui. Tout le monde l'aime. Tout le monde a tort. Pourquoi cela, puisqu'elle le mérite? C'est qu'elle n'aimera personne que moi. Je n'en doute pas. Et je lui pardonne son attachement pour vous. À quoi cela sert-il, ce pardon-là? Je veux dire que je ne suis plus si surprise que je l'étais de son obstination à vous aimer. Et en vertu de quoi étiez-vous surprise? C'est qu'elle refuse un prince aimable. Et quand il serait aimable? S'empêche-t-il que je ne le sois aussi, moi? Non, mais enfin, c'est un prince. Qu'importe. En fait, fille, ce prince n'est pas plus avancé que moi. À la bonne heure. Non, j'entends seulement qu'il a des sujets et des états et que, tout aimable que vous êtes, vous n'en avez point. Vous me la baillez belle avec vos sujets et vos états. Si je n'ai point de sujet, je n'ai charge de personne. Et si tout va bien, je m'en réjouis. Si tout va mal, ce n'est pas ma faute. Pour des états, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, on n'en tient pas plus de place et cela ne rend ni plus beau ni plus laid. Ainsi, de toute façon, vous étiez surprise à propos de rien. Voilà un vilain petit bonhomme. Je lui fais des compliments et il me querelle. Hein? J'ai du malheur de ce que je vous dis. Et j'avoue qu'à vous voir seulement, ça me serait promis une conversation plus douce. Dame, mademoiselle, il n'y a rien de si trompeur que la mine des gens. Il est vrai que la vôtre m'a trompée. Et voilà, comme on a souvent tort de se prévenir en faveur de quelqu'un. Tenez, dans le fond, c'est dommage que vous soyez une si grande coquette. Moi? Vous-même. Savez-vous bien qu'on n'a jamais dit pareille chose à une femme et que vous m'insultez? Point du tout. Il n'y a pas de mal à voir ce que les gens nous montrent. Ce n'est pas moi qui ai tort de vous trouver coquette. C'est vous qui avez tort de l'être, mademoiselle. Mais par où voyez-vous donc que je le suis? Parce qu'il y a une heure que vous me dites des douceurs. Et que vous prenez le tour pour me dire que vous m'aimez. Écoutez, si vous m'aimez tout de bon, retirez-vous vite afin que cela s'en aille. Car je suis pris. Et naturellement, je ne veux pas qu'une fille me fasse l'amour la première. C'est moi qui veux commencer à le faire à la fille. Cela est bien meilleur. Et si vous ne m'aimez pas, fille, mademoiselle, fille. Allez, allez, allez, vous êtes un visionnaire. Comment est-ce que les garçons à la cour peuvent souffrir ces manières-là dans leur maîtresse? Oh, par la morbleu qu'une femme est laide quand elle est coquette. Mais mon pauvre garçon, vous extravaguez. Vous parlez de Sylvia? C'est cela qui est aimable. Si je vous contais notre amour, vous tomberiez dans l'admiration de sa modestie. Les premiers jours, il fallait voir comme elle se reculait auprès de moi. Et puis, elle reculait plus doucement. Et puis, petit à petit, elle ne reculait plus. Ensuite, elle me regardait en cachette. Et puis, elle avait honte quand je l'avais vue faire. Et puis, moi, j'avais un plaisir de roi à voir sa honte. Ensuite, j'attrapais sa main, qu'elle me laissait prendre. Elle était encore toute confuse. Et puis, je lui parlais. Ensuite, elle ne me répondait rien, mais n'en pensait pas moins. Ensuite, elle me donnait des regards pour des paroles, et puis des paroles qu'elle laissait aller sans y songer, parce que son cœur allait plus vite qu'elle. Enfin, c'était un charme. Aussi, j'étais comme un fou. Et voilà ce qui s'appelle une fille. Mais vous ne ressemblez point à Sylvia. En vérité, vous me divertissez. Vous me faites rire. Oh, pour moi, je m'ennuie de vous faire rire à vos dépens. Adieu. Si tout le monde était comme moi, vous trouveriez plutôt un merle blanc qu'un amoureux. Vous sortez? Oui. Cette mademoiselle veut que je l'aime, mais il n'y a pas moyen. Allons, allons faire un tour en attendant le dîner. Cela vous désennuiera. Eh bien, nos affaires avancent-elles? Comment va le cœur d'Arlequin? Il va très brutalement pour moi. Il t'a donc mal reçu? Mais fille, mademoiselle, vous êtes une coquette. Voilà de son style. J'en suis fâché, Lisette. Mais il ne faut pas que cela vous chagrine. Vous n'en valez pas moins. Je vous avoue, Seigneur, que si j'étais vaine, je n'aurais pas mon compte. J'ai eu la preuve que je puis déplaire. Et nous autres femmes, nous nous passons bien de ces preuves-là. Allons, allons. C'est maintenant à moi à tenter l'aventure. Puisqu'on ne peut gagner Arlequin, Sylvia ne m'aimera jamais. Et moi, je vous dis, Seigneur, que j'ai vu Arlequin, qu'il me plaît à moi, que je me suis mis dans la tête de vous rendre content, que je vous ai promis que vous le seriez, que je vous tiendrai parole, et que de tout ce que je dis là, je ne rabattrai pas la valeur d'un mot. Vous ne me connaissez pas. Quoi, Seigneur? Arlequin et Sylvia me résisteraient? Je ne gouvernerai pas deux cœurs de cette espèce-là, moi qui l'ai entrepris, moi qui suis opiniâtre, moi et qui suis femme, c'est tout dire. Et moi, j'irai me cacher. Mon sexe me renoncerait. Seigneur, vous pouvez en toute sûreté ordonner les apprêts de votre mariage. Vous arrangez pour cela. Je vous garantis aimer. Je vous garantis marier. Sylvia va vous donner son cœur, ensuite sa main. Je l'entends ici vous dire « Je vous aime, je vois vos noces, elles se font. Arlequin m'épouse, vous nous honorez de vos bienfaits. » Et voilà qui est fini. Tout est fini, mais rien n'est commencé. Tais-toi, esprit court. Vous m'encouragez à espérer, mais je vous avoue que je ne vois d'apparence à rien. Je les ferai bien venir, ces apparences. J'ai de bons moyens pour cela. Je vais commencer par aller chercher Sylvia. Il est temps qu'elle voie Arlequin. Quand ils se seront vus, j'ai bien peur que tes moyens n'aillent mal. Je pense de même. Nous ne différons que de oui et de non. Ce n'est qu'une bagatelle. Pour moi, j'ai résolu qu'ils se voient librement. Sur la liste des mauvais tours que je veux jouer à leur amour, c'est ce tour-là que j'ai mis à la tête. Faites don à votre fantaisie. Retirons-nous, voici Arlequin qui vient. En effet, paraît Arlequin en compagnie de Trivelin et d'une suite de valets. Par parenthèse, dites-moi une chose. Il y a une heure que je rêve à quoi servent ces grands drôles bariolés qui nous accompagnent partout. Oh, ces gens-là sont bien curieux. Le prince qui vous aime commence par là à vous donner des témoignages de sa bienveillance. Il veut que ces gens-là vous suivent pour vous faire honneur. Oh, oh. C'est donc une marque d'honneur? Oui, sans doute. Et dites-moi, ces gens-là qui me suivent, qui est-ce qui les suit, eux? Personne. Et vous, n'avez-vous personne aussi? Non. On ne vous honore donc pas, vous autres? Nous ne méritons pas cela. Allons, cela étant hors d'ici. Tournez-moi les talons avec toutes ces canailles-là. Mais d'où vient donc cela? D'étaler. Je n'aime point les gens sans honneur et qui ne méritent point qu'on les honore. Vous ne m'entendez pas? Je m'en vais donc vous parler plus clairement. Mais arrêtez, que faites-vous? Oh, quand je vous dis que nous ne méritons pas d'avoir des gens à notre suite, ce n'est pas que nous manquions d'honneur, c'est qu'il n'y a que les personnes considérables, les seigneurs, les gens riches qu'on honore de cette manière-là. S'il suffisait d'être honnête homme, moi qui vous parle, j'aurais après moi une armée de valets. Oh. À présent, je vous comprends. Que ne dites-vous la chose comme il faut? Je n'aurais pas les bras d'émier, vos épaules s'en porteraient mieux. Vous m'avez fait mal. Je le crois bien, c'était mon intention. Par bonheur, ce n'est qu'un malentendu. Et vous devez être bien aise d'avoir reçu innocemment les coups de bâton que je vous ai donnés. Je vois bien à présent que c'est qu'on fait ici tout l'honneur aux gens considérables, riches, et... à celui qui n'y connaît homme, rien. C'est cela même. Sur ce pied-là, ce n'est pas grand-chose que d'être honoré. Puisque ça ne signifie pas qu'on soit honorable. Mais on peut être honorable avec cela. Ma foi, tout bien compté, vous me ferez plaisir de me laisser là sans compagnie. Ceux qui me verront tout seul me prendront tout d'un coup pour un honnête homme. J'aime autant ça que d'être pris pour un grand seigneur. Nous avons ordre de rester auprès de vous. Menez-moi donc voir Sylvia. Vous serez satisfait, elle va venir. Parbleu, je ne me trompe pas, car la voilà qui entre. Adieu, je me retire. Ah, le voici. Eh, mon cher Arlequin, c'est donc vous. Je vous revois donc. Que je suis aise. Et moi aussi. Oh, je me meurs de joie. Ah là là, doucement, mon fils. Comme il m'aime. Oh, quel plaisir d'être aimé comme cela. Vous me ravissez tous deux, mes chers enfants. Et vous êtes bien aimables de vous être si fidèles. Si quelqu'un m'entendait dire cela, je serais perdue, mais dans le fond du cœur, je vous estime et je vous plains. Hélas, c'est que vous êtes un bon cœur. J'ai bien soupiré, mon cher Arlequin. M'aimez-vous toujours? Si je vous aime, Cela se demande-t-il? Est-ce une question à faire? Adieu, mes amis, je m'en vais car vous m'attendrissez. Vous me faites tristement ressouvenir d'un amant que j'avais et qui est mort. Il avait de l'air d'Arlequin et je ne l'oublierai jamais. Adieu, Sylvia, aimez toujours Arlequin, il le mérite. Et vous, Arlequin, quelque chose qui arrive, regardez-moi comme une amie. Comme une personne qui voudrait pouvoir vous obliger. Je ne négligerai rien pour cela. Allez, vous êtes une fille de bien, mademoiselle. Je suis votre amie aussi, moi. Je suis fâchée de la mort de votre amant. C'est bien dommage que vous soyez affligée. Et nous aussi. Flaminia s'éloigne, puis disparaît. Eh bien, mon cher Arlequin. Eh bien, mon âme. Oh, nous sommes bien malheureux. Aimons-nous toujours, cela nous aidera à prendre patience. Oui, mais notre amitié, que deviendra-t-elle? Cela m'inquiète. Hélas, m'amour. Je vous dis de prendre patience, mais je n'ai pas plus de courage que vous. Pauvre petit trésor à moi. Mamie, il y a 3 jours que je n'ai vu ces beaux yeux-là. Regardez-moi toujours pour me récompenser. Ah, j'ai bien des choses à vous dire. J'ai peur de vous perdre. J'ai peur qu'on ne vous fasse quelque mal par méchanceté de jalousie. J'ai peur que vous ne soyez trop longtemps sans me voir et que vous vous y accoutumiez. Petit cœur, est-ce que je m'accoutumerai à être malheureux? Je ne veux point être oubliée par vous. Je ne veux point non plus que vous enduriez rien à cause de moi. Je ne sais point dire ce que je veux. Je vous aime trop. C'est une pitié que mon embarras. Tout me chagrine. Oh bien, Arlequin, je m'en vais donc pleurer aussi, moi. Comment voulez-vous que je m'empêche de pleurer quand vous voulez être si triste? Si vous aviez un peu de compassion, est-ce que vous seriez si affligée? Ah, demeurez donc en repos, je ne vous dirai plus que je suis chagrine. Oui, mais je devinerai que vous l'êtes. Il faut me promettre que vous ne le serez plus. Oui, mon fils, mais promettez-moi aussi que vous m'aimerez toujours. Sylvia, je suis votre amant. Vous êtes ma maîtresse. Retenez-le bien, car cela est vrai. Et tant que je serai en vie, cela ira toujours le même train. Cela ne branlera pas. Je mourrai de compagnie avec cela. Ah ça, dites-moi le serment que vous voulez que je vous fasse. Voilà qui va bien. Je ne sais point de serment. Vous êtes un garçon d'honneur. J'ai votre amitié. Vous avez la mienne. Je ne la reprendrai pas. À qui est-ce que je la porterai? N'êtes-vous pas le plus joli garçon qu'il y ait? Y a-t-il quelque fille qui puisse vous aimer autant que moi? Eh bien, n'est-ce pas assez? Nous en faut-il davantage? Il n'y a qu'à rester comme nous sommes. Il n'y aura pas besoin de serment. Dans 100 ans d'ici, nous serons tout de même. Sans doute. Il n'y a donc rien à craindre, mamie. Tenons-nous donc joyeux. Nous souffrirons peut-être un peu. Voilà tout. Ah, c'est une bagatelle. Quand on a un peu pâti, le plaisir en semble meilleur. Oh, pourtant je n'aurais que faire de pâtir pour être bien aise, moi. Il n'ira qu'à ne pas songer que nous souffrons. Ce cher petit homme, comme il m'encourage. Je ne m'embarrasse que de vous. Où est-ce qu'il prend tout ce qu'il me dit? Il n'y a que lui au monde comme cela. Mais aussi, il n'y a que moi pour vous aimer. Arlequin. C'est comme du miel, ces paroles-là. Je suis au désespoir de vous interrompre, mais votre mère vient d'arriver, mademoiselle Sylvia. Elle demande instamment à vous parler. Arlequin, ne me quittez pas, je n'ai rien de secret pour vous. Marchons, ma petite. Ne craignez rien, mes enfants. Allez toute seule trouver votre mère, ma chère Sylvia, cela sera plus séant. Vous êtes libre de vous voir autant qu'il vous plaira. C'est moi qui vous en assure. Vous savez bien que je ne voudrais pas vous tromper. Oh non, vous êtes de notre parti, vous. Adieu donc, mon fils. Je vous rejoindrai bientôt. Notre amie... Pendant qu'elle sera là, restez avec moi pour empêcher que je ne m'ennuie. Il n'y a ici que votre compagnie que je puisse endurer. Mon cher Arlequin, la vôtre me fait bien du plaisir aussi. Mais j'ai peur qu'on ne s'aperçoive de l'amitié que j'ai pour vous. Seigneur Arlequin, le dîner est prêt. Je n'ai point de faim. Je veux que vous mangiez, vous en avez besoin. Croyez-vous? Oui. Je ne saurais. La soupe est-elle bonne? Exquise. Il faut attendre Sylvia, elle aime le potage. Je crois qu'elle dînera avec sa mère. Vous êtes le maître, pourtant, mais je vous conseille de les laisser ensemble. N'est-il pas vrai? Après dîner, vous la verrez. Je le veux bien. Mais mon appétit n'est pas encore ouvert. Le vin est au frais et le roux tout prêt. Je suis si triste. Ce roux est donc friand? C'est du gibier qui a une mine. Que de chagrin! Vous boirez à ma santé, Harlequin. Alors venez boire à la mienne à cause de la connaissance. Oui, Da, de tout mon cœur. J'ai une demi-heure à vous donner. Allons donc, quand la viande est froide, elle ne vaut rien. Deuxième acte. Paraissent Sylvia et Flaminia. Oui, je vous crois. Vous paraissez me vouloir du bien. Aussi, vous voyez que je ne souffre que vous. Je regarde tous les autres comme mes ennemis. Mais oui, Harlequin. Il va venir, il dîne encore. C'est quelque chose d'épouvantable que ce pays-ci. Je n'ai jamais vu de femme aussi prévenante, d'homme aussi honnête. Ce sont des manières si douces, tant de révérences, tant de compliments, tant de signes d'amitié. Vous diriez que ce sont les meilleurs gens du monde, qu'ils sont pleins de cœur et de conscience. Quelle erreur. De tous ces gens-là, il n'y en a pas un qui ne vienne me dire d'un air prudent « Mademoiselle, croyez-moi, je vous conseille d'abandonner Harlequin et d'épouser le prince. » Mais il me conseille cela tout naturellement, sans avoir honte, non plus que s'il m'exhortait à quelque bonne action. Mais leur dis-je, j'ai promis à Harlequin. Où est la fidélité, la probité, la bonne foi? Ils ne m'entendent pas, ils ne savent pas ce que c'est que tout cela, c'est tout comme si je leur parlais grec. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, d'où sortent-ils? De quelle pâte sont-ils? De la pâte des autres hommes, ma chère Sylvia. Que cela ne vous étonne pas, ils s'imaginent que le mariage du prince ferait votre bonheur et souhaiteraient que le prince fût content. Mais ce prince, que ne prend-il une fille qui se rende à lui de bonne volonté? Quelle fantaisie d'en vouloir une qui ne veut pas de lui, quel goût trouve-t-il à cela? Car c'est un abus que tout ce qu'il fait. Oh, tous ses concerts, ses comédies, ses grands repas qui ressemblent à des noces, ses bijoux qu'il m'envoie, tout cela lui coûte un argent infini. C'est un abîme. Il se ruine. Demandez-moi ce qu'il y gagne. Quand il me donnerait toute la boutique d'un mercier, ça ne me ferait pas tant de plaisir qu'un petit peloton qu'Harlequin m'a donné. Je n'en doute pas. Voilà ce que c'est que l'amour. J'ai aimé de même et je me reconnais au peloton. Tenez, si j'avais eu à changer Harlequin contre un autre, ça aurait été contre un officier du palais, qui m'a vu 5 ou 6 fois et qui est d'aussi bonne façon qu'on puisse être. Il y a bien à tirer si le prince le vaut. C'est dommage que je n'ai pu l'aimer dans le fond. Je le plains, plus que le prince. Oh, ma chère Sylvia, je vous assure que vous plaindrez le prince autant que lui quand vous le connaîtrez. Eh bien qu'il tâche de m'oublier, qu'il me renvoie, qu'il voie d'autres filles. Eh, ma chère, avons-nous rien ici qui vous vaille? Rien qui approche de vous? Oh, que si. Il y en a de plus jolies que moi. Et quand elles seraient la moitié moins jolies, cela leur ferait plus de profit qu'à moi d'être tout à fait belles. J'en vois ici de laides, qui font si bien aller leur visage, qu'on y est trompé. Oui, mais le vôtre va tout seul, et cela est charmant. Bon, moi je ne parais rien. Je suis toute d'une pièce auprès d'elle. Et voilà justement ce qui touche le prince, voilà ce qu'il estime. C'est cette ingénuité, cette beauté simple, ce sont ses grâces naturelles. Et croyez-moi, ne louez pas tant les femmes d'ici, car elles ne vous louent guère. Qu'est-ce donc qu'elles disent? Des impertinences. Elles se moquent de vous, raillent le prince, lui demande comment se porte sa beauté rustique. Y a-t-il de visage plus commun, disait l'autre jour ses jalouses entre elles, de taille plus gauche? Là-dessus, l'une vous prenait par les yeux, l'autre par la bouche. Il n'y avait pas jusqu'aux hommes qui ne vous trouvaient pas trop jolie. J'étais dans une colère. Oh, pardi, voilà de vilains hommes de trahir comme cela leurs pensées pour plaire à ces sottes-là. Sans difficulté. Ah, que je hais ces femmes-là. Mais puisque je suis si peu agréable à leur compte, pourquoi donc est-ce que le prince m'aime et qu'il les laisse là? Oh, elles sont persuadées qu'il ne vous aimera pas longtemps, que c'est un caprice qui lui passera et qu'il en rira tout le premier. Oh, elles sont bien heureuses que j'aime Harlequin. Sans cela, j'aurais grand plaisir à les faire mentir, ces babillardes-là. Pardi, vous voyez bien ce qui en est. Il ne tient qu'à moi de les confondre. Voilà de la compagnie qui vous vient. Je crois que c'est cet officier dont je vous ai parlé, c'est lui-même. Voyez la belle physionomie d'homme. Le prince paraît sous le nom d'officier du palais, puis Lisette sous le nom de dame de la cour. Le prince, en voyant Sylvia, salue avec beaucoup de soumission. Comment vous voilà, monsieur? Vous saviez donc bien que j'étais ici? Oui, mademoiselle, je le savais. Mais vous m'aviez dit de ne plus vous voir et je n'aurais osé paraître sans madame qui a souhaité que je l'accompagnasse et qui a obtenu du prince l'honneur de vous faire la révérence. Lisette ne dit mot et regarde seulement Sylvia avec attention. Flaminia et Lisette se font des signes d'intelligence. Je ne suis pas fâchée de vous revoir. Et vous me trouvez bien triste. À l'égard de cette dame, je la remercie de la volonté qu'elle a de me faire une révérence. Je ne mérite pas cela. Mais qu'elle me la fasse, puisque c'est son désir. Je lui en rendrai une comme je pourrai, et elle excusera si je la fais mal. Oui, mamie, je vous excuserai de bon cœur. Je ne vous demande pas l'impossible. Je ne vous demande pas l'impossible? Quelle manière de parler! Quel âge avez-vous, ma fille? Je l'ai oubliée, ma mère. Bon, elle se fâche, je pense. Mais madame, que signifie ce discours-là? Sous prétexte de venir saluer Sylvia, vous lui faites une insulte. Ce n'est pas mon dessein. J'avais la curiosité de voir cette petite fille qu'on aime tant, qui fait naître une si forte passion, et je cherche ce qu'elle a de si aimable. On dit qu'elle est naïve. C'est un agrément campagnard qui doit la rendre amusante. Priez-la de nous donner quelques traits de naïveté. Voyons son esprit. Eh non, madame, ce n'est pas la peine. Il n'est pas si plaisant que le vôtre. Vous demandiez du naïf. En voilà. Allez-vous-en, madame. Cela m'impatiente à la fin. Si elle ne s'en va, je me fâcherai tout de bon. Vous vous repentirez de votre procédé. Adieu. Un pareil objet me venge assez de celui qui en fait choix. Voilà une créature bien effrontée. Je suis outrée. J'ai bien affaire qu'on m'enlève pour se moquer de moi. Chacun a son prix. Ne semble-t-il pas que je ne vaille pas bien ces femmes-là? Je ne voudrais pas être changée contre elles. Bon, ce sont des compliments que les injures de cette jalouse-là. Belle Sylvia, cette femme-là nous a trompés, le prince et moi. Vous m'envoyez au désespoir, n'en doutez pas. Vous savez que je suis pénétré de respect pour vous, vous connaissez mon cœur. Je venais ici pour me donner la satisfaction de vous voir, pour jeter une fois encore les yeux sur une personne si chère et reconnaître notre souveraine. Mais je ne prends pas garde que je me découvre, que Flaminia m'écoute et que je vous importune encore. Quel mal faites-vous? Ne sais-je pas bien qu'on ne peut la voir sans l'aimer? Et moi, je voudrais qu'il ne m'aimât pas, car j'ai du chagrin de ne pouvoir lui rendre le change. Encore, si c'était un homme comme tant d'autres, à qui on dit ce qu'on veut. Mais il est trop agréable pour qu'on le maltraite, lui. Il a toujours été comme vous le voyez. Ah, que vous êtes obligeante, Sylvia. Que puis-je faire pour mériter ce que vous voulez de me dire, si ce n'est de vous aimer toujours? Eh bien, aimez-moi. À la bonne heure, j'y aurai du plaisir, pourvu que vous me promettiez de prendre votre mal en patience. Car je ne saurais mieux faire, en vérité. Harlequin est venu le premier. Voilà tout ce qui vous nuit. Si j'avais deviné que vous viendriez après lui, en bonne foi, je vous aurais attendu. Mais vous avez du malheur. Et moi, je ne suis pas heureuse. Flaminia, je vous en fais juge. Pourrait-on cesser d'aimer Sylvia? Connaissez-vous de cœur plus compatissant, plus généreux que le sien? Non. La tendresse d'un autre me toucherait moins que la seule bonté qu'elle a de me plaindre. Et moi, je vous en fais juge aussi, là. Vous l'entendez? Comment se comporter avec un homme qui me remercie toujours, qui prend tout ce qu'on lui dit en bien? Franchement, il a raison, Sylvia. Vous êtes charmante. Et à sa place, je serai tout comme il est. Ah, ça, n'allez-vous pas l'attendrir encore? Il n'a pas besoin qu'on lui dise que je suis jolie. Il le croit assez. Croyez-moi. Tâchez de m'aimer tranquillement. Et vengez-moi de cette femme qui m'a injuriée. Oui, ma chère Sylvia, j'y cours. À mon égard, de quelque façon que vous me traitiez, mon parti est pris. J'aurai du moins le plaisir de vous aimer toute ma vie. Oh, je m'en doutais bien. Je vous connais. Allez, monsieur, hâtez-vous d'informer le prince du mauvais procédé de la dame en question. Il faut que tout le monde sache ici le respect qui est dû à Sylvia. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Vous, ma chère, pendant que je vais chercher Harlequin, qu'on retient peut-être un peu trop longtemps à table, allez essayer l'habit qu'on vous a fait. Il me tarde de vous le voir, Sylvia. Tenez, l'étoffe est belle, elle m'ira bien, mais je ne veux point de tous ces habits-là, car le prince me veut en troc, et jamais nous ne finirons ce marché-là. Vous vous trompez? Quand il vous quitterait, vous emporteriez tout. Vraiment, vous ne le connaissez pas. Je m'en vais donc l'essayer sur votre parole. Pourvu qu'il ne me dise pas après, pourquoi as-tu pris mes présents? Il vous dira pourquoi n'en avoir pas pris davantage. En ce cas-là, j'en prendrai tant qu'il voudra, afin qu'il n'ait rien à me dire. Allez, allez, je réponds de tout. Il me semble que les choses commencent à prendre forme. Voici Harlequin. En vérité, je ne sais, mais si ce petit homme venait à m'aimer, j'en profiterais de bon cœur. Bonjour, mamie. Bonjour, Harlequin. Dites-moi donc de quoi vous riez afin que j'en rie aussi. C'est que mon valet Trivelin, que je ne paye point, m'a mené par toutes les chambres de la maison, où l'on trotte comme dans les rues, où l'on jase comme dans notre halle, sans que le maître de la maison s'embarrasse de tous ces visages-là, qui ne daignent pas lui donner le bonjour, qui vont le voir manger sans qu'il leur dise « Voulez-vous boire un coup ?» Je me divertissais de ces originaux-là en revenant, quand j'ai vu un grand coquin qui a levé l'habit d'une dame par derrière. Moi, j'ai cru qu'il lui faisait quelques niches. Et je lui ai dit bonnement, arrêtez-vous, polisson. Vous badinez malhonnêtement. Elle qui m'a entendu s'est retournée et m'a dit « Ne voyez-vous pas bien qu'il me porte la queue ?»« Et pourquoi vous la laissez-vous porter, cette queue » ai-je repris. Sur cela, le polisson s'est mis à rire, la dame riait, Trivelin riait, tout le monde riait. Par compagnie, je me suis mis à rire aussi, moi. À cette heure, je vous demande pourquoi nous avons ri tous. D'une bagatelle. C'est que vous ne savez pas que ce que vous avez vu faire à ce laquais est un usage parmi les dames. C'est donc encore un honneur ? Oui, vraiment. Pardi, j'ai donc bien fait d'en rire, car cet honneur-là est bouffon et à bon marché. Vous êtes gai. J'aime à vous voir comme cela. Avez-vous bien mangé depuis que je vous ai quitté ? Ah ! Morbleu ! Qu'on a apporté de friandes drogues. Que le cuisinier d'ici fait de bonnes fricassées. Il n'y a pas moyen de tenir contre sa cuisine. J'ai tant bu à la santé de Sylvia et de vous que si vous êtes malade, ce ne sera pas ma faute. Quoi ? Vous vous êtes encore souvenu de moi ? Quand j'ai donné mon amitié à quelqu'un, jamais je ne l'oublie. Surtout à table. Mais à propos de Sylvia, est-elle encore avec sa mère ? Mais seigneur Arlequin, songerez-vous toujours à Sylvia ? Taisez-vous quand je parle. Vous avez tort, Trivelin. Comment j'ai tort ? Oui, pourquoi l'empêchez-vous de parler de ce qu'il aime ? À ce que je vois, Flaminia, vous vous souciez beaucoup des intérêts du prince. Oh, Arlequin, cet homme-là me fera des affaires à cause de vous. Non, ma bonne. Écoute, je suis ton maître, car tu me l'as dit, je n'en savais rien, fainéant que tu es. S'il t'arrive de faire le rapporteur, et qu'à cause de toi on fasse seulement la moue à cette honnête fille-là, c'est deux oreilles que tu auras de moi, je te les garantis dans ma poche. Je suis pas à cela prêt, et je veux faire mon devoir. Deux oreilles, entends-tu bien à présent ? Va-t'en ! Je vous pardonne tout à vous, car enfin il le faut, mais vous me le paierez, Flaminia. Cela est terrible. Je n'ai trouvé ici qu'une personne qui entende la raison, et l'on vient chicaner ma conversation avec elle. Ma chère Flaminia, à présent parlons de Sylvia à notre aise. Quand je ne la vois point, il n'y a qu'avec vous que je m'en passe. Je ne suis point ingrate. Il n'y a rien que je ne fisse pour vous rendre contents tous deux. Et d'ailleurs, vous êtes si estimable, Arlequin, que quand je vois qu'on vous chagrine, je souffre autant que vous. La bonne sorte de fille. Toutes les fois que vous me plaignez, cela m'apaise. Je suis la moitié moins fâchée d'être triste. Pardi, qui est-ce qui ne vous plaindrait pas ? Qui est-ce qui ne s'intéresserait pas à vous ? Oh, vous ne connaissez pas ce que vous valez, Arlequin. Cela se peut bien. J'ai jamais regardé de si près. Si vous saviez combien il m'est cruel de n'avoir point de pouvoir. Si vous lisiez dans mon cœur. Et... je ne sais point lire. Mais vous me l'expliquerez. Oh, par la mardi, je voudrais n'être plus affligée. Quand ce ne serait que pour le souci que cela vous donne. Mais cela viendra. Non. Je ne serai jamais témoin de votre contentement. Voilà qui est fini. Trivelin causera, l'on me séparera d'avec vous. Et que sais-je, moi, où l'on m'emmènera ? Arlequin, je vous parle peut-être pour la dernière fois. Il n'y a plus de plaisir pour moi dans le monde. Pour la dernière fois ? J'ai donc bien du guignon. Je n'ai qu'une pauvre maîtresse, ils me l'ont emporté. Vous emporterait-il encore ? Et où est-ce que je prendrais du courage pour endurer tout cela ? Ces gens-là croient-ils que j'ai un cœur de fer ? Ont-ils entrepris mon trépas ? Seront-ils aussi barbares ? En tout cas, j'espère que vous n'oublierez jamais Flaminia, qui n'a rien tant souhaité que votre bonheur. Mamie, vous me gagnez le cœur. Conseillez-moi dans ma peine. Avisons-nous. Quelle est votre pensée ? Car je n'ai point d'esprit, moi, quand je suis fâché. Il faut que j'aime Sylvia, il faut que je vous garde, il ne faut pas que mon amour partisse de notre amitié, ni notre amitié de mon amour. Et me voilà bien embarrassée. Et moi, bien malheureuse. Depuis que j'ai perdu mon amant, je n'ai eu de repos qu'en votre compagnie. Je respire avec vous. Vous lui ressemblez tant que je crois quelquefois lui parler. Je n'ai vu dans le monde que vous et lui de véritablement aimables. Pauvre fille. Il est fâcheux que j'aime Sylvia. Sans cela, je vous donnerais de bon cœur la ressemblance de votre amant. C'était donc un joli garçon ? Ne vous ai-je pas dit qu'il était fait comme vous ? Que vous êtes son portrait ? Ah. Et vous l'aimiez donc beaucoup ? Regardez-vous, Arlequin. Voyez combien vous méritez d'être aimé. Et vous verrez combien je l'aimais. Je n'ai vu personne répondre aussi doucement que vous. Votre amitié se met partout. Je n'aurais jamais cru être aussi jolie que vous le dites. Mais puisque vous aimiez tant ma copie, il faut bien croire que l'original mérite quelque chose. Je crois que vous m'auriez encore plu davantage. Mais je n'aurais pas été assez belle pour vous. Oh, par la sambille, je vous trouve charmante avec cette pensée-là. Vous me troublez, il faut que je vous quitte. Je n'ai que trop de peine à m'arracher d'auprès de vous, mais... Où cela nous conduirait-il ? Adieu, Arlequin. Je vous verrai toujours si on me le permet. Je ne sais où je suis. Je suis tout de même. J'ai trop de plaisir à vous voir. Je ne vous refuse pas ce plaisir-là, moi. Regardez-moi à votre aise, je vous rendrai l'appareil. Je n'oserais. Adieu. Ce pays-ci n'est pas digne d'avoir cette fille-là. Si par quelque malheur Sylvia venait à manquer, dans mon désespoir, je crois que je me retirerai avec elle. Et seigneur Arlequin, voilà un seigneur qui demande à vous parler. J'ai vu cet homme-là quelque part. Je viens vous demander une grâce, mais ne vous incommoderai-je point, seigneur Arlequin ? Non, monsieur. Vous ne me faites ni bien ni mal en vérité. Mais que vous plaît-il ? Voici ce que c'est. J'ai eu le malheur de parler cavalièrement de vous devant le prince. Vous n'avez qu'à ne pas vous reconnaître à cela. Oui, mais le prince s'est fâché contre moi. Il n'aime donc pas les médisants ? Vous le voyez bien. Oh, voilà qui me plaît. C'est un honnête homme. S'il ne me retenait pas ma maîtresse, je serais fort content de lui. Et que vous a-t-il dit ? Que vous étiez un mal appris ? Oui. Cela est très raisonnable, de quoi vous plaignez-vous ? Ce n'est pas là tout. Arlequin, m'a-t-il répondu, est un garçon d'honneur. Je veux qu'on l'honore, puisque je l'estime. La franchise et la simplicité de son caractère sont des qualités que je voudrais que vous eussiez tous. Je nuis à son amour et je suis au désespoir que le mien m'y force. Par l'amour bleu, je suis son serviteur. Franchement, je fais cas de lui. Et je croyais être plus en colère contre lui que je ne le suis. Ensuite, il m'a dit de me retirer. Mes amis, là-dessus, ont tâché de le fléchir pour moi. Quand ces amis-là s'en iraient aussi avec vous, il n'y aurait pas grand mal. Car dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Il s'est aussi fâché contre eux. Que le ciel bénisse cet homme de bien. Il a vidé là sa maison d'une mauvaise graine de gens. Et nous ne pouvons reparaître tous qu'à condition que vous demandiez notre grâce. Par ma foi, messieurs, allez où il vous plaira, je vous souhaite un bon voyage. Quoi ? Vous refuserez de prier pour moi ? Si vous n'y consentiez pas, ma fortune serait ruinée. À présent qu'il ne m'est plus permis de voir le prince, que serais-je à la cour ? Il faudra que je m'en aille dans mes terres, car je suis comme exilé. Comment ? Être exilé, mais ce n'est point vous faire d'autre mal que de vous envoyer manger votre bien chez vous ? Vraiment, non, voilà ce que c'est. Et vous vivrez la paix et aise ? Vous ferez vos quatre repas comme à l'ordinaire ? Sans doute. Qu'y a-t-il d'étrange à cela ? Ne me trompez-vous pas. Est-il sûr qu'on est exilé quand on médit ? Cela arrive assez souvent. Alors voilà qui est fait ! Je m'en vais médire du premier venu et j'avertirai Sylvia et Flaminia d'en faire autant ! Il a raison de cela ! Parce que je veux aller en exil, moi. De la manière dont on punit les gens ici, je vais gager qu'il y a plus de gain à être puni qu'à être récompensé. Quoi qu'il en soit, épargnez-moi cette punition-là, je vous prie. Un homme comme moi ne peut demeurer qu'à la cour. Il n'est en considération, il n'est en état de pouvoir se venger de ses envieux qu'autant qu'il se rend agréable au prince et qu'il cultive l'amitié de ceux qui gouvernent les affaires. J'aimerais mieux cultiver un bon champ. Cela rapporte toujours peu ou prou. Et je me doute que l'amitié de ces gens-là n'est pas aisée à avoir ni à garder. Vous avez raison, dans le fond. Ils ont quelquefois des caprices fâcheux. Mais on ne saurait s'en ressentir. On les ménage, on est souple avec eux, parce que c'est par leurs moyens que l'on se venge des autres. Quel trafic. C'est justement recevoir des coups de bâton d'un côté pour avoir le privilège d'en donner d'un autre. Voilà une drôle de vanité. À vous voir si humble, vous autres. On ne croirait jamais que vous êtes si glorieux. Écoutez, vous n'aurez point de peine à me remettre en faveur, car vous connaissez bien Flaminia. Oui, c'est mon intime. Le prince a beaucoup de bienveillance pour elle. Elle est la fille d'un de ses officiers. Et je me suis imaginé de lui faire sa fortune en la mariant à un petit cousin que j'ai à la campagne, que je gouverne et qui est riche. Dites-le au prince, mon dessein me conciliera ses bonnes grâces. Oui, mais ce n'est pas là le chemin des miennes. Car je n'aime point qu'on épouse mes amis, moi. Et vous n'imaginez rien qui vaille avec votre petit cousin. Je croyais... Ne croyez plus. Je renonce à mon projet. N'y manquez pas. Je vous promets mon intercession sans que le petit cousin s'en mêle. Je vous ai beaucoup d'obligations. J'attends les faits de vos promesses. Adieu, monsieur Arlequin. Je suis votre serviteur. Diantre, je suis en crédit car on fait ce que je veux. Il ne faut rien dire à Flaminia du cousin. Mon cher, je vous amène Sylvia, elle me suit. Mon ami, vous deviez bien venir m'avertir plus tôt. Nous l'aurions attendu en causant ensemble. Bonjour, Arlequin. Regardez ce bel habit. Ne me trouvez-vous pas jolie ? Les femmes d'ici vont être bien attrapées. Elles ne diront plus que j'ai l'air gauche. Oh, que les ouvrières d'ici sont habiles. Oh, m'amour, Elles ne sont pas si habiles que vous êtes bien faites. Si je suis bien faite, Arlequin, vous n'êtes pas moins honnête. Du moins, ai-je le plaisir de vous voir un peu plus content à présent. Dame, puisqu'on ne nous gêne plus, j'aime autant être ici qu'ailleurs. Qu'est-ce que cela fait d'être là ou là? On s'aime partout. Oh, devinez Arlequin qui j'ai encore rencontré en venant ici. Mon amoureux qui venait me voir chez nous. Ce grand monsieur si bien tourné. Oh, je veux que vous soyez amis ensemble, car il a bon cœur aussi. À la bonne heure, je suis de bon accord. Après tout, quel mal y a-t-il qu'il me trouve à son gré? Prix pour prix, les gens qui nous aiment sont de meilleure compagnie que ceux qui ne se soucient pas de nous. N'est-il pas vrai? Sans doute. Mettons encore Flaminia, elle se soucie de nous, et nous serons partis carrés. Arlequin, vous me donnez là une marque d'amitié que je n'oublierai point. Ah ça, puisque nous valons ensemble, allons faire collation, cela amuse. Allez, allez, Arlequin. À cette heure que nous nous voyons quand nous voulons, ce n'est pas la peine de nous ôter notre liberté à nous-mêmes. Ne vous gênez point. Je m'en vais donc goûter, car j'ai déjà grand faim. Qu'avez-vous, Sylvia? Je rêve à une chose. Ne trouvez-vous pas qu'il est un peu négligent depuis que nous sommes ici? Il me quitte pour aller goûter. Voilà une belle excuse. Je l'ai remarqué comme vous. Dites-moi, après tout, l'aimez-vous tant, ce garçon? Mais vraiment, oui, je l'aime. Il le faut bien. Voulez-vous que je vous dise? Vous me paraissez mal assortis ensemble. Vous avez du goût, de l'esprit, l'air fin et distingué. Il a l'air pesant, les manières grossières. Cela ne cadre point. Je ne comprends pas comment vous l'avez aimé. Je vous dirais même que cela vous fait tort. Mettez-vous à ma place. C'était le garçon le plus passable de nos cantons. Il demeurait dans mon village, il était mon voisin. Il est assez facétieux, je suis de bonne humeur, il me faisait quelquefois rire. Il me suivait partout, il m'aimait. J'avais coutume de le voir. Et de coutume en coutume, je l'ai aimé aussi. Faute de mieux. Mais j'ai toujours vu qu'il était enclin au vin et à la gourmandise. Oh, voilà de jolies vertus, surtout dans l'amant de l'aimable et tendre Sylvia. Mais à quoi vous déterminez-vous donc? Je l'ignore. Il me passe tant de oui et de non par la tête que je ne sais auquel entendre. D'un côté, Arlequin est un petit négligent qui ne songe ici qu'à manger. D'un autre côté, si l'on me renvoie, ces glorieuses femmes me feront à croire partout qu'on m'aura dit « Va-t'en, tu n'es pas assez jolie ». D'un autre côté encore, ce monsieur que j'ai retrouvé ici... Quoi? Je vous le dis en secret. Je ne sais ce qu'il m'a fait depuis que je l'ai revu, mais... Il m'a toujours paru si doux. Il m'a dit des choses si tendres. Il m'a conté son amour d'un air si poli, si humble... que j'en ai une véritable pitié. Et cette pitié-là m'empêche encore d'être maîtresse de moi. L'aimez-vous? Je ne crois pas. Car je dois aimer Arlequin. Ce monsieur est un homme aimable. Je le sens bien. Si vous négligiez de vous venger pour l'épouser, je vous le pardonnerais, voilà la vérité. Si Arlequin se mariait à une autre fille que moi, à la bonne heure, je serais en droit de lui dire « Tu m'as quitté, je te quitte, je prends ma revanche. » Mais il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il voudrait d'Arlequin ici? Rude et bourru comme il est. Il n'y a pas presse entre nous. Pour moi, j'ai toujours eu dessein de passer ma vie au champ. Arlequin est grossier, je ne l'aime point. Mais je ne le hais pas. Et dans les sentiments où je suis, s'il voulait, je vous en débarrasserais volontiers. Pour vous faire plaisir. Mais mon plaisir, où est-il? Il n'est ni là, ni là. Je le cherche. Voici ce cavalier qui vous plaît. Tâchez de prendre votre parti. Adieu. Nous nous reverrons tantôt. Vous venez. Vous allez encore me dire que vous m'aimez pour me mettre davantage en peine. Je venais voir si la dame qui vous a fait insulte s'était bien acquittée de son devoir. Quant à moi, belle Sylvia, quand mon amour vous fatiguera, quand je vous déplairai moi-même, vous n'aurez qu'à m'ordonner de me taire et de me retirer, je m'en irai. J'irai où vous voudrez. Et je souffrirai sans me plaindre, résolu de vous obéir en tout. Ne voilà-t-il pas? Ne l'ai-je pas bien dit? Comment voulez-vous que je vous renvoie? Vous vous tairez s'il me plaît, vous vous en irez s'il me plaît, vous n'oserez pas vous plaindre, vous m'obéirez en tout. C'est bien là le moyen de faire que je vous commande quelque chose. Mais que puis-je mieux que de vous rendre maîtresse de mon sort? Qu'est-ce que cela avance? Vous rendrai-je malheureux? En aurai-je le courage? Si je vous dis allez-vous-en, vous croirez que je vous hais. Si je vous dis de vous taire, vous croirez que je ne me soucie pas de vous. Et toutes ces croyances-là ne seront pas vraies. Elles vous affligeront. En serais-je plus à mon aise après? Que voulez-vous donc que je devienne, belle Sylvia? Oh, ce que je veux. J'attends qu'on me le dise. J'en suis encore plus ignorante que vous. Voilà Arlequin qui m'aime. Voilà le prince qui demande mon cœur. Voilà vous qui méritez de l'avoir. Voilà des femmes qui m'injurient et que je voudrais punir. Voilà que j'aurai un affront si je n'épouse pas le prince Arlequin. M'inquiète, vous me donnez du souci, vous m'aimez trop. Je voudrais ne vous avoir jamais connu. Et je suis bien malheureuse d'avoir tout ce tracas-là dans la tête. Vos discours me pénètrent, Sylvia. Vous êtes trop touchée de ma douleur. Ma tendresse toute grande qu'elle est ne vaut pas le chagrin que vous avez de ne pouvoir m'aimer. Je pourrais bien vous aimer. Cela ne serait pas difficile, si je voulais. Souffrez donc que je m'afflige et ne m'empêchez pas de vous regretter toujours. Je vous en avertis, je ne saurais supporter de vous voir si tendre. Il me semble que vous le fassiez exprès. Y a-t-il de la raison à cela? Pardi, j'aurais moins de mal à vous aimer tout à fait qu'à être comme je suis. Pour moi, je laisserai tout là, voilà ce que vous gagnerez. Je ne veux donc plus vous être à charge, vous souhaitez que je vous quitte. Je ne dois pas résister aux volontés d'une personne si chère. Adieu, Sylvia. Adieu, Sylvia. Je vous querellerai volontiers, où allez-vous? Restez là, c'est ma volonté. Je la sais mieux que vous, peut-être. J'ai cru vous obliger. Quel train que tout cela! Que faire d'Arlequin? Encore si c'était vous qui fussiez le prince. Et quand je le serais? Cela serait différent. Parce que je dirais à Arlequin que vous prétendriez être le maître, ce serait mon excuse. Mais il n'y a que pour vous que je voudrais prendre cette excuse-là. Qu'elle est aimable. Il est temps de dire qui je suis. Qu'avez-vous? Est-ce que je vous fâche? Oh, ce n'est pas à cause de la principauté que je voudrais que vous fussiez prince. C'est seulement à cause de vous, tout seul. Et si vous l'étiez, Arlequin ne saurait pas que je vous prendrais par amour. Voilà ma raison. Mais non. Après tout, il vaut mieux que vous ne soyez pas le maître. Cela me tenterait trop. Et quand vous le seriez, tenez, je ne pourrais me résoudre à être une infidèle. Voilà qui est fini. Différons encore de l'instruire. Sylvia, conservez-moi seulement les bontés que vous avez pour moi. Le prince vous a fait préparer un spectacle, permettez que je vous y accompagne et que je profite de toutes les occasions d'être avec vous. Après la fête, vous verrez le prince et je suis chargé de vous dire que vous serez libre de vous retirer si votre cœur ne vous dit rien pour lui. Oh, il ne me dira pas un mot. C'est tout comme si j'étais partie. Mais quand je serai chez nous, vous y viendrez. Et que sait-on ce qui peut arriver? Peut-être que vous mourrez. Allons-nous-en toujours, de peur qu'Arlequin ne vienne. Troisième acte. Entre le prince et Flaminia. Oui, Seigneur, vous avez fort bien fait de ne pas vous découvrir tantôt, malgré tout ce que Sylvia vous a dit de tendre. Ce retardement ne gâte rien et lui laisse le temps de se confirmer dans le penchant qu'elle a pour vous. Grâce au ciel, vous voilà presque arrivée où vous le souhaitiez. Ah, Flaminia, qu'elle est aimable. Elle l'est infiniment. Je ne connais rien comme elle parmi les gens du monde. Quand une maîtresse, à force d'amour, nous dit clairement « je vous aime », cela fait assurément un grand plaisir. Eh bien, Flaminia, ce plaisir-là, imaginez-vous qu'il n'est que fadeur, qu'il n'est qu'ennui. En comparaison du plaisir que m'ont donné les discours de Sylvia, qui ne m'a pourtant pas dit « je vous aime ». Mais, Seigneur, oserais-je vous prier de m'en répéter quelque chose? Cela est impossible. Je suis ravi, je suis enchanté. Je ne peux pas vous répéter cela autrement. Je présume beaucoup du rapport singulier que vous m'en faites. Si vous saviez, dit-elle, combien elle est affligée de ne pouvoir m'aimer, parce que cela me rend malheureux et qu'elle doit être fidèle à Arlequin. J'ai vu le moment où elle allait me dire « ne m'aimez plus, je vous prie ». Parce que vous seriez cause que je vous aimerais aussi. Bon, cela vaut mieux qu'un aveu. Tout ce qui la retient à présent, c'est qu'elle se fait un scrupule de m'aimer sans l'aveu d'Arlequin. Si Flaminia, hâtez-vous, sera-t-il bientôt gagné, Arlequin? Vous savez que je ne dois ni ne veux le traiter avec violence. Que dit-il? À vous dire le vrai, Seigneur, je le crois tout à fait amoureux de moi. Mais il n'en sait rien. Comme il ne m'appelle encore que sa chère amie, il vit sur la bonne foi de ce nom qu'il me donne et prend toujours de l'amour à bon compte. Fort bien. Oh, dans la première conversation, je l'instruirai de l'état de ses petites affaires avec moi. Et ce penchant qui est incognito chez lui et que je lui ferai sentir par un autre stratagème va vous tirer d'inquiétude et terminer des travaux dont je sortirai, Seigneur, victorieuse et vaincue. Comment donc? C'est une petite bagatelle qui ne mérite pas de vous être dite. C'est que j'ai pris du goût pour Arlequin, seulement pour me désennuyer dans le cours de notre intrigue. Mais retirez-vous et rejoignez Sylvia. Il ne faut pas qu'Arlequin vous voie encore et je le vois qui vient. Eh bien, Que voulez-vous que je fasse de l'écritoire et du papier que vous m'avez fait prendre? Donnez-vous patience, mon domestique. Tant qu'il vous plaira. Dites-moi, qui est-ce qui me nourrit ici? C'est le prince. Par la sambie, la bonne chère que je fais me donne des scrupules. D'où vient donc? Mardi, j'ai peur d'être en pension sans le savoir. De quoi riez-vous, grand Benet? Je ris de votre idée, qui est plaisante. Allez, allez, seigneur Harlequin, mangez en toute sûreté de conscience et buvez de même. Madame, je prends mes repas dans la bonne foi. Il me serait bien rude de me voir apporter le mémoire de ma dépense. Mais je vous crois. Dites-moi à présent, comment s'appelle celui qui rend compte au prince de ses affaires? Son secrétaire d'État, voulez-vous dire? Oui. J'ai dessein de lui faire un écrit pour le prier d'avertir le prince que je m'ennuie. Et de lui demander quand il veut en finir avec nous. Car mon père est tout seul. Eh bien? Si on veut me garder, il faut lui envoyer une carriole afin qu'il vienne. Vous n'avez qu'à parler. La carriole partira sur le champ. Il faut après cela qu'on nous marie, Sylvia et moi. Et qu'on m'ouvre la porte de la maison. Car j'ai coutume de trotter partout et d'avoir la clé des champs, moi. Ensuite, nous tiendrons ici ménage avec l'ami Flaminia. Qui ne veut pas nous quitter à cause de son affection pour nous. Et si le prince a toujours bonne envie de nous régaler, ce que je mangerai me profitera davantage. Mais, seigneur Harlequin, il n'est pas besoin de mêler Flaminia là-dedans. Cela me plaît à moi. Le mauvais valet. Allons vite, tirez-moi votre plume et griffonnez-moi mon écriture. Dictez. Monsieur. Halte là. Dites monseigneur. Mettez les deux afin qu'ils choisissent. Fort bien. Vous saurez que je m'appelle Harlequin. Doucement. Vous devez dire, votre grandeur saura. Votre grandeur saura. C'est donc un géant, ce secrétaire d'État? Non, mais n'importe. Quel diantre de galimatia. Qui jamais a entendu dire qu'on s'adresse à la taille d'un homme quand on a affaire à lui? Je mettrai comme il vous plaira. Vous saurez que je m'appelle Harlequin. Après. Que j'ai une maîtresse qui s'appelle Sylvia. Bourgeoise de mon village... Et fille d'honneur. Courage. Avec une bonne amie que j'ai faite depuis peu, qui ne saurait se passer de nous ni nous d'elle. Ainsi, aussitôt la présente reçue. Flaminia ne saurait se passer de vous? Oh, la plume m'en tombe des mains. Oh, oh! Que signifie donc cette impertinente pamoison-là? Il y a 2 ans, seigneur Harlequin. Il y a 2 ans que je soupire en secret pour elle. Cela est fâcheux, mon mignon. Mais en attendant qu'elle en soit informée, je vais toujours vous en donner quelques remerciements pour elle. Ah! Des remerciements à coups de bâton? Je ne suis pas friand de ces compliments-là et que vous importe que je l'aime. Vous n'avez que de l'amitié pour elle. Et l'amitié ne rend point jaloux. Vous vous trompez, mon amitié fait tout comme l'amour. En voilà des preuves! Oh! Oh! Diable soit de l'amitié! Qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous, Harlequin? Bonjour, mamie. C'est ce faquin qui dit qu'il vous aime depuis 2 ans. Cela se peut bien. Et vous, mamie, que dites-vous de cela? Que c'est tant pis pour lui. Tout de bon? Sans doute. Mais est-ce que vous seriez fâchée que l'on m'aima? Hélas, vous êtes votre maîtresse. Mais si vous aviez un amant, vous l'aimeriez peut-être. Cela gâterait la bonne amitié que vous me portez et vous m'en feriez ma part plus petite. Au de cette part-là, je n'en voudrais rien perdre. Harlequin, savez-vous bien que vous ne ménagez pas mon cœur? Moi? Et quel mal lui fais-je donc? Si vous continuez de me parler toujours de même, je ne saurai plus bientôt de quelle espèce seront mes sentiments pour vous. En vérité, je n'ose m'examiner là-dessus. J'ai peur de trouver plus que je ne veux. C'est bien fait. N'examinez jamais, Flaminia. Cela sera ce que cela pourra. Au reste, croyez-moi, ne prenez point d'amant. J'ai une maîtresse, je la garde. Mais si je n'en avais pas, je n'en chercherais point. Qu'en ferais-je avec vous? Elle m'ennuierait. Elle vous ennuierait? Le moyen, après tout ce que vous dites, de rester votre amie. Et que serez-vous donc? Oh, ne me le demandez pas, je n'en veux rien savoir. Ce qui est de sûr, c'est que dans le monde, je n'aime rien plus que vous. Vous n'en pouvez pas dire autant. Sylvia va devant moi, comme de raison. Chut! Vous allez de compagnie ensemble. Je vais vous l'envoyer si je la trouve. En serez-vous bien aise? Comme vous voudrez. Mais il ne faut pas l'envoyer. Il faut venir toutes deux. Je ne pourrai pas. Car le prince m'a mandé et je vais voir ce qu'il me veut. Adieu, Harlequin. Je serai bientôt de retour. Ah! Voilà mon homme de tantôt. Ma foi, monsieur le médisant, car je ne sais point votre autre nom, je n'ai rien dit de vous au prince par la raison que je ne l'ai point vu. Je vous suis obligé de votre bonne volonté, seigneur Harlequin, mais je suis sorti d'embarras. et rentrer dans les bonnes grâces du prince sur l'assurance que je lui ai donnée que vous lui parleriez pour moi. J'espère qu'à votre tour, vous me tiendrez parole. Oh, quoique je paraisse un innocent, je suis homme d'honneur. De grâce, ne vous ressouvenez plus de rien. Et réconciliez-vous avec moi en faveur du présent que je vous apporte de la part du prince. C'est de tous les présents le plus grand qu'on puisse vous faire. Et Sylvia que vous m'apportez ? Non, le présent dont il s'agit est dans ma poche. Ce sont des lettres de noblesse dont le prince vous gratifie comme parent de Sylvia, car on dit que vous l'êtes un peu. Pas un brin. Remportez cela, car si je le prenais, ce serait friponner la gratification. Acceptez toujours, qu'importe. Ne serez-vous pas bien aise d'être gentilhomme ? Je n'en serai ni bien aise ni fâché. C'est suivant la fantaisie qu'on a. Vous y trouverez de l'avantage. Vous en serez plus respecté et plus craint de vos voisins. J'ai l'opinion que cela les empêcherait de m'aimer de bon cœur. Car quand je respecte les gens et moi et que je les crains, je ne les aime pas de si bon courage. Je ne saurais faire tant de choses à la fois. Vous m'étonnez. Voilà comme je suis bâti. D'ailleurs, voyez-vous, je suis le meilleur enfant du monde. Je ne fais de mal à personne. Mais quand je voudrais nuire, je n'en ai pas le pouvoir. Eh bien, si j'avais ce pouvoir, si j'étais noble, diable emporte si je voudrais gager d'être toujours brave homme. Je ferais parfois comme le gentilhomme de chez nous, qui n'épargne point les coups de bâton à cause qu'on oserait les lui rendre. Et si l'on vous donnait ces coups de bâton, ne souhaiteriez-vous pas être en état de les rendre ? Pour cela, je voudrais payer cette dette-là sur le champ. Oh, comme les hommes sont quelquefois méchants, mettez-vous en état de faire du mal seulement afin qu'on n'ose pas vous en faire. Et pour cet effet, prenez vos lettres de noblesse. Têtu bleu, vous avez raison. Je ne suis qu'une bête. Allons, me voilà noble. Je garde le parchemin. Je ne crains plus que les rats qui pourraient bien gruger ma noblesse. Mais j'y mettrai bon ordre. Je vous remercie, et le prince aussi, car il est bien obligeant dans le fond. Je suis charmé de vous voir content. Adieu. Je suis votre serviteur. Monsieur. Monsieur. Que me voulez-vous ? Ma noblesse ne m'oblige-t-elle à rien ? Car il faut faire son devoir dans une charge. Elle oblige à être honnête homme. Vous aviez donc des exemptions, vous, quand vous avez dit du mal de moi. N'y songez plus. Un gentilhomme doit être généreux. Généreux et honnête homme ? Vertu chou, ces devoirs-là sont bons. Je les trouve encore plus nobles que mes lettres de noblesse. Mais est-ce là tout ? N'y en a-t-il plus d'autres ? Non. Ayez de la vertu, aimez l'honneur plus que la vie, et vous serez dans l'ordre. Doucement. Il est bon d'expliquer ce que c'est que cet honneur qu'on doit aimer plus que la vie. Malpeste, quel honneur ! Vous approuverez ce que cela veut dire. C'est qu'il faut se venger d'une injure ou périr plutôt que de la souffrir. Mais tout ce que vous m'avez dit n'est donc qu'un coq à l'âne. Car si je suis obligé d'être généreux, il faut que je pardonne aux gens. Si je suis obligé d'être méchant, il faut que je les assomme. Comment donc faire pour tuer ces hommes-là et les laisser vivre ? Vous serez généreuse et bon quand on ne vous insultera pas. Ah, je vous entends. Il m'est défendu d'être meilleur que les autres. Et si je rends le bien pour le mal, je serai donc un homme sans honneur. Tenez, accommodons-nous plutôt. Quand on me dira une grosse injure, j'en répondrai une autre, si je suis le plus fort. Voulez-vous me laisser votre marchandise à ce prix-là ? Dites-moi votre dernier mot. Une injure répondue à une injure ne suffit point. Cela ne peut se laver, s'effacer que par le sang de votre ennemi ou le vôtre. Vous parlez du sang comme si c'était de l'eau de la rivière. Eh bien, mon honneur n'est pas fait pour être noble, il est trop raisonnable pour cela. Bonjour ! Vous n'y songez pas ! Sans compliment, reprenez votre affaire ! Mais gardez-le toujours ! Vous vous ajusterez avec le prince. On n'y regardera pas de si près avec vous. Il faudra donc qu'il me signe un contrat comme quoi je serai exempt de me faire tuer par mon prochain, pour le faire repentir de son impertinence avec moi. À la bonne heure, vous ferez vos conventions. Adieu ! Je suis votre serviteur. Et moi le vôtre. Qui diantre vient encore me rendre visite ? Ah ! C'est celui-là qui est cause qu'on m'a pris Sylvia. Vous voilà donc, monsieur le babillard, qui allait dire partout que la maîtresse des gens est belle, ce qui fait qu'on m'a escamoté la mienne. Moins d'injures, Harlequin. Êtes-vous gentilhomme, vous ? Assurément. Mardi, vous êtes bien heureux. Sans ça, je vous dirai de bon cœur ce que vous méritez. Mais votre honneur voudrait peut-être faire son devoir, et après cela, il faudrait vous tuer pour vous venger de moi. Calmez-vous, je vous prie, Harlequin. Le prince m'a donné ordre de vous entretenir. Parlez, il vous est libre. Mais je n'ai pas ordre de vous écouter, moi. Eh bien, prends un esprit plus doux, connais-moi, puisqu'il le faut. C'est ton prince lui-même qui te parle. Et non pas un officier du palais, comme tu l'as cru jusqu'ici aussi bien que Sylvia. Votre foi ? Tu dois m'en croire. Oh, excusez, monseigneur. C'est donc moi qui suis un sot d'avoir été impertinent avec vous. Je te pardonne volontiers. Puisque vous n'avez point de rancune contre moi, ne permettez pas que j'en aie contre vous. Je ne suis pas digne d'être fâché contre un prince. Je suis trop petit pour cela. Si vous m'affligez, je pleurerai de toute ma force, et puis c'est tout. Cela doit faire compassion à votre puissance. Vous ne voudriez pas avoir une principauté pour le contentement de vous tout seul. Tu te plains donc bien de moi, Arlequin. Que voulez-vous, monseigneur? Il y a une fille qui m'aime. Vous, vous en avez plein votre maison et cependant vous montez la mienne. Prenez que je suis pauvre, que tout mon bien est un liard. Vous qui êtes riche de plus de 1000 écus, vous vous jetez sur ma pauvreté et vous m'arrachez mon liard. Cela n'est-il pas bien triste? Il a raison. Et ses plaintes me touchent. Je sais que vous êtes un bon prince. Tout le monde le dit dans le pays. Il n'y aura donc que moi qui n'aurai pas le plaisir de le dire comme les autres. Je te prive de Sylvia, il est vrai. Mais demande-moi ce que tu voudras. Je t'offre tous les biens que tu pourras souhaiter. Et laisse-moi cette seule personne que j'aime. Qu'il ne soit pas question de ce marché-là, vous gagneriez trop sur moi. Parlons en conscience. Si un autre que vous me l'avez prise, est-ce que vous ne me la feriez pas remettre? Eh bien, personne ne me l'a prise que vous. Voyez la belle occasion de montrer que la justice est pour tout le monde. Que lui répondre? Allons, monseigneur. Dites-vous comme cela. Faut-il que je retienne le bonheur de ce petit homme parce que j'ai le pouvoir de le garder? N'est-ce pas à moi être son protecteur puisque je suis son maître? S'en ira-t-il sans avoir justice? N'en aurais-je pas du regret? Qui est-ce qui fera mon office de prince si je ne le fais pas? J'ordonne donc que je lui rendrai, Sylvia! Ne changeras-tu jamais de langage? Regarde comme j'en agis avec toi. Je pourrais te renvoyer et garder Sylvia sans t'écouter. Cependant, malgré l'inclination que j'ai pour elle, malgré ton obstination et le peu de respect que tu me montres, je m'intéresse à ta douleur, je cherche à la calmer par mes faveurs, je descends jusqu'à te prier de me céder Sylvia de bonne volonté. Tout le monde t'y exhorte, tout le monde te blâme, et te donne un exemple de l'ardeur qu'on a de me plaire. Tu es le seul qui résiste. Tu reconnais que je suis ton prince, marque-le-moi donc par un peu de docilité. Monseigneur, ne vous fiez pas à ces gens-là qui vous disent que vous avez raison avec moi, car ils vous trompent. Sans eux, vous ne me chercheriez point, chicane. Vous ne diriez pas que je vous manque de respect parce que je réclame mon bon droit. Allez, vous êtes mon prince et je vous aime bien. Mais je suis votre sujet et cela mérite quelque chose. Tu me désespères. Que je suis à plaindre. Faudra-t-il donc que je renonce à Sylvia? Le moyen d'en être jamais aimé si tu ne veux m'aider. Arlequin, je t'ai causé du chagrin, mais celui que tu me fais est plus cruel que le tien. Prenez quelque consolation, monseigneur. Promenez-vous, voyagez quelque part. Votre douleur se passera dans les chemins. Non, mon enfant. J'espérais quelque chose de ton cœur. Pour moi, je t'aurais plus d'obligation que je n'en aurais jamais à personne, mais tu me fais tout le mal qu'on peut faire. N'importe. Mes bienfaits t'étaient réservés et ta dureté n'empêche pas que tu n'en jouisses. Aïe. Qu'on a de mal dans la vie. Il est vrai que j'ai tort avec toi, je me reproche l'action que j'ai faite, c'est une injustice. Mais tu n'en es que trop vengé. Il faut que je m'en aille. Vous êtes trop fâché d'avoir tort, j'aurais peur de vous donner raison. Je te sais bon gré de la sensibilité que je te vois. Adieu, Arlequin. Je t'estime, malgré tes refus. Monseigneur! Comme veux-tu? Me demandes-tu quelque grâce? Non. Je ne suis qu'en peine de savoir si je vous accorderai celle que vous voulez. Il faut avouer que tu as le cœur excellent. Et vous aussi. Voilà ce qui monte le courage. Hélas, que les bonnes gens sont faibles. J'admire tes sentiments. Je le crois bien. Je ne vous promets pourtant rien. Il y a trop d'embarras dans ma volonté. Mais, à tout hasard, si je vous donnais Sylvia... Avez-vous dessein que je sois votre favori? Eh, qu'il serait donc? C'est qu'on m'a dit que vous aviez coutume d'être flatté. Moi, j'ai coutume de dire vrai. Et une bonne coutume comme celle-là ne s'accorde pas avec une mauvaise. Jamais votre amitié ne sera assez forte pour endurer la mienne. Nous nous brouillerons ensemble si tu ne me réponds toujours ce que tu penses. Il ne me reste qu'une chose à te dire, Arlequin. Souviens-toi que je t'aime. C'est tout ce que je te recommande. Flaminia sera-t-elle sa maîtresse? Ah, ne me parle point de Flaminia! Tu n'étais pas capable de me donner tant de chagrin sans elle. Point du tout! C'est la meilleure fille du monde, vous ne devez point lui vouloir de mal! Apparemment que mon coquin de valeur a médit de ma bonne amie. Par la mardi, il faut que j'aille voir où elle est. Mais moi, que ferais-je à cette heure? Est-ce que je quitterai Sylvia? Cela se pourra-t-il? Y aura-t-il moyen de... Ma foi, non. Non, assurément. J'ai un peu fait le nigaud avec le prince, parce que je suis tendre à la peine d'autrui. Mais le prince est tendre aussi. Et il ne dira mot. Bonjour, Flaminia. J'allais vous chercher. Adieu, Harlequin. Qu'est-ce que cela veut dire, adieu ? Trivelin nous a trahis. Le prince a su l'intelligence qui est entre nous. Il vient de m'ordonner de sortir d'ici et m'a défendu de vous voir jamais. Malgré ça, je n'ai pu m'empêcher de venir vous parler encore une fois. Ensuite, j'irai où je pourrai pour éviter sa colère. Oh, me voilà un joli garçon à présent. Je suis au désespoir, moi. Me voir séparée pour jamais d'avec vous, de tout ce que j'avais de plus cher au monde. Oh, le temps me presse. Je suis forcée de vous quitter, mais avant de partir, il faut que je vous ouvre mon cœur. Aïe, qu'est-ce, mamie ? Qu'a-t-il, ce cher cœur ? Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous, Harlequin. Je m'étais trompée. C'est donc de l'amour ? Et du plus tendre. Adieu. Attendez, je me suis peut-être trompée moi aussi sur mon compte. Comment ? Vous vous seriez mépris ? Vous m'aimeriez, nous ne nous verrions plus ? Oh, Harlequin, ne m'en dites pas davantage. Je m'enfuis. Restez ! Laissez-moi aller, que ferons-nous ? Parlons raison ! Que vous direz ? C'est que mon amitié est aussi loin que la vôtre. Elle est partie. Voilà que je vous aime, cela est décidé, je n'y comprends rien. Ouf ! Quelle aventure ! Je ne suis point mariée par bonheur. Il est vrai. Sylvia se mariera avec le prince et il sera content. Je n'en doute point. Ensuite, puisque notre cœur s'est mécompté et que nous nous aimons par mégarde, nous prendrons patience et nous nous accommoderons à l'avenant. J'entends bien. Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble ? Vraiment, oui. Est-ce ma faute à moi ? Pourquoi ne m'avertissiez-vous pas que vous m'attraperiez et que vous seriez ma maîtresse ? M'avez-vous averti que vous deviendriez mon amant ? Morbleu, le devinais-je ? Vous étiez assez aimable pour le deviner. Ne nous reprochons rien. S'il ne tient qu'à être aimable, vous avez plus de tort que moi. Épousez-moi, j'y consens. Mais il n'y a point de temps à perdre, et je crains qu'on ne vienne m'ordonner de sortir. Je pars pour parler au prince. Ne dites pas à Sylvia que je vous aime. Elle croirait que je suis dans mon tort, et vous savez que je suis innocent. Je ne ferai semblant de rien avec elle. Je lui dirai que c'est pour sa fortune que je la laisse là. Fort bien, j'allais vous le conseiller. Attendez. Et donnez-moi votre main que je la baise. Qui est-ce qui aurait cru que j'y prendrais tant de plaisir? Cela me confond. Ah, en vérité, le prince a raison. Ces petites personnes-là font l'amour d'une manière qui ne permet pas de leur résister. Voici l'autre. À quoi rêvez-vous, belle Sylvia? Je rêve à moi. Et je n'y entends rien. Que trouvez-vous donc en vous de si incompréhensible? Je voulais me venger de ces femmes, vous savez. Cela s'est passé. Vous n'êtes guère vindicative. J'aimais Harlequin, n'est-ce pas? Il me le semblait. Eh bien, je crois que je ne l'aime plus. Ce n'est pas un si grand malheur. Quand ce serait un malheur, qui ferais-je? Lorsque je l'ai aimé, c'était un amour qui m'était venu. À cette heure que je ne l'aime plus, c'est un amour qui s'en est allé. Il est venu sans mon avis, il s'en retourne de même. Je ne crois pas être blâmable. Je le pense à peu près de même. Qu'appelez-vous à peu près? Il faut le penser tout à fait comme moi, parce que cela est. Voilà de mes gens qui disent tantôt oui, tantôt non. Sur quoi vous emportez-vous donc? Je m'emporte à propos. Je vous consulte bonnement et vous allez me répondre des à peu près qui me chicanent. Ne voyez-vous pas bien que je badine et que vous n'êtes que louable? Mais n'est-ce pas cet officier que vous aimez? Et qui donc? Pourtant, je n'y consens pas encore à l'aimer. Mais à la fin, il faudra bien y venir. Car dire toujours non à un homme qui demande toujours oui, le voir triste, toujours se lamentant, toujours le consoler de la peine qu'on lui fait, dame, cela lasse. Il vaut mieux ne plus lui en faire. Oh, vous allez le charmer. Il mourra de joie. Il mourrait de tristesse. Et c'est encore pire. Il n'y a pas de comparaison. Je l'attends. Nous avons été plus de 2 heures ensemble. Et il va revenir avec moi quand le prince me parlera. Cependant, j'ai peur qu'Harlequin ne s'afflige trop, qu'en dites-vous? Mais ne me rendez pas scrupuleuse. Ne vous inquiétez pas. On trouvera aisément moyen de l'apaiser. L'apaiser? Diantre! Il est donc bien facile de m'oublier à ce compte. Est-ce qu'il a fait quelques maîtresses ici? Lui? Vous oubliez? J'aurais perdu l'esprit si je vous le disais. Ah. Vous serez trop heureuse s'il ne se désespère pas. Oh, vous avez bien affaire de me dire cela. Vous êtes cause que je redeviens incertaine avec votre désespoir. Et s'il ne vous aime plus, que direz-vous? S'il ne m'aime plus? Vous n'avez qu'à garder votre nouvelle. Eh bien, il vous aime encore et vous en êtes fâchée. Oh, que vous faut-il donc? Oh, vous riez. Je voudrais bien vous voir à ma place. Votre amant vous cherche. Croyez-moi, finissez avec lui sans vous inquiéter du reste. À peine Flaminia disparut, paraît le prince. Et quoi, Sylvia, vous ne me regardez pas? Vous devenez triste toutes les fois que je vous aborde. J'ai toujours le chagrin de penser que je vous suis important. Bon, importe. Je parlais de lui tout à l'heure. Vous parliez de moi. Et qu'en disiez-vous, belle Sylvia? Oh, je disais bien des choses. Je disais que vous ne saviez pas encore ce que je pensais. Je sais que vous êtes résolu à me refuser votre cœur, et c'est là savoir ce que vous pensez. Vous n'êtes pas si savant que vous le croyez, ne vous vantez pas tant. Mais dites-moi, vous êtes un honnête homme, et je suis sûre que vous me direz la vérité. Vous savez comme je suis avec Arlequin. À présent, prenez que j'ai envie de vous aimer. Si je contentais mon envie, ferais-je bien, ferais-je mal? La conseillez-moi dans la bonne foi. Comme on n'est pas le maître de son cœur, si vous aviez envie de m'aimer, vous seriez en droit de vous satisfaire. Voilà mon sentiment. Me parlez-vous en ami? Oui, Sylvia, en homme sincère. C'est mon avis aussi. J'ai décidé de même, et je crois que nous avons raison tous deux. Ainsi, je vous aimerai s'il me plaît, sans qu'il ait le petit mot à dire. Je n'y gagne rien, car il ne vous plaît point. Ne vous mêlez point de deviner. Je n'ai point de foi à vous. Mais enfin, ce prince, puisqu'il faut que je le voie, quand viendra-t-il? S'il veut, je l'en quitte. Il ne viendra que trop tôt pour moi. Lorsque vous le connaîtrez, vous ne voudrez peut-être plus de moi. Courage! Vous voilà dans la crainte à cette heure. Je crois qu'il a juré de n'avoir jamais un moment de bon temps. Je vous avoue que j'ai peur. Quel homme! Il faut bien que je lui remette l'esprit. Ne tremblez plus. Je n'aimerai jamais le prince. Je vous en fais un serment. Arrêtez, Sylvia, n'achevez pas votre serment, je vous en conjure. Vous m'empêcherez de jurer, cela est joli, j'en suis bien aise. Voulez-vous que je vous laisse jurer contre moi? Contre vous? Est-ce que vous êtes le prince? Oui, Sylvia. Je vous ai jusqu'ici caché mon rang pour essayer de ne devoir votre tendresse que la mienne. Je ne voulais rien perdre du plaisir qu'elle pouvait me faire. À présent que vous me connaissez, vous êtes libre d'accepter ma main et mon cœur. Ou de me refuser l'un et l'autre. Parlez, Sylvia. Oh, mon cher prince. Je vais faire un beau serment. Si vous avez cherché le plaisir d'être aimé de moi, vous avez bien trouvé ce que vous cherchiez. Vous savez que je dis la vérité. Voilà ce qui m'en plaît. Notre union est donc assurée. J'ai tout entendu, Sylvia. Eh bien, Arlequin, je n'aurai donc pas la peine de vous rien dire. Consolez-vous comme vous pourrez de vous-même. Le prince vous parlera, j'ai le cœur tout entrepris. Voyez, accommodez-vous. Il n'y a plus de raison à moi, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous me diriez, que je vous quitte? Qu'est-ce que je vous répondrais, que je le sais bien? Prenez que vous l'avez dit, prenez que j'ai répondu. Laissez-moi après. Et voilà qui sera fini. Flaminia, c'est à vous que je remets Arlequin, je l'estime, et je vais le combler de bien. Toi, Arlequin, reçois de ma main Flaminia pour épouse et sois assuré pour jamais de la bienveillance de ton prince. Belle Sylvia, souffrez que des fêtes qui vous sont préparées annoncent ma joie à des sujets dont vous allez être la souveraine. À présent, je me moque du tour que notre amitié nous a joué. Patience! Tantôt, nous lui en jouerons d'un autre. La Radiodiffusion française et la Société des comédiens français viennent de vous faire entendre La double inconstance, comédie en trois actes de Marivaux. Avec le concours de messieurs Julien Berthaud, le prince, Jacques Charon, Trivelin, Robert Hirsch, Arlequin, Gilbert Guiraud, un seigneur, mesdames Micheline Boudet, Sylvia, Lise Delamare, Flaminia, Suzanne Nivette, la récitante, Françoise Angèle, Lisette. Réalisation Jacques Régnier.